Nous sommes dimanche 16 août. Bienvenue à ce journal de la mi-journée dont voici d'abord l'essentiel. Les résultats de la présélection pour les candidats ayant postulé au recrutement des enseignants sont déjà disponibles à partir de ce dimanche dans toutes les directions provinciales et communales de l'éducation nationale. Certains habitants qui exercent les activités près du pont de la rivière Nyabagéré et derrière les locaux de l'école fondamentale du bassin de Wuyendi demandent que les immondices observés à cet endroit soient enlevés. Et en commune Muyinga, tout homme d'affaires qui veut implanter une station service du carburant doit demander une autorisation dans l'intérêt d'interdire l'installation anarchique des stations à l'intérieur des agglomérations. Eli Kadog assure les mises en onde et au micro, vous êtes avec Ornella Mouch. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page politique pour débuter ce journal. Personne n'est permis d'exercer son droit de vote là où il n'est pas, là où il ne se fait pas inscrire. Pierre Kavé-Kazihise souligne néanmoins que toute personne qui n'aura pas de temps pour se rendre là où elle s'est fait inscrire pourra déléguer quelqu'un pour le faire à sa place. Concernant la question de ceux qui se sont fait inscrire là où ils n'habitent pas, Pierre Kavé-Kazihise fait savoir que la CENI disposera pour eux des urnes pour élire les chefs collinaires. Plus de 1600 emplois ont été créés par 26 entreprises ayant reçu des avantages du code des investissements délivré par l'agence de promotion des investissements API de janvier 2018 à juin 2019. Selon le rapport de cette agence, 9 ont investi dans l'industrie de transformation, le montant prévisionnel investi étant de plus de 110 milliards Mireille Kanyang. Ce rapport de l'Agence de promotion des investissements API sur la classification des investissements de janvier 2018 à juin 2019, selon les secteurs, montre que durant cette période, 26 projets ont été éligibles aux avantages du Code des investissements. Sur la vingtaine, 9 ont investi dans le secteur de l'industrie de transformation, 4 dans le secteur de l'agroalimentaire, 3 dans le secteur de la santé. 2 projets chacun dans les secteurs de l'énergie, hôtellerie et tourisme et l'industrie de transformation. Pour l'industrie du papier, le secteur minier, le transport maritime et le transport routier se partagent un projet chacun. Les 26 sociétés ont investi pour un montant prévisionnel de plus de 110 milliards de francs burundais et plus de 1600 emplois créés. Selon toujours ce rapport de l'API de janvier 2018 à juin 2019, plus de 8000 entreprises ont été immatriculées, dont plus de 4000 coopératives. L'agence de promotion des investissements souligne également qu'en 2017, 30 entreprises ont été éligibles aux avantages du Code des investissements avec plus de 17 milliards de francs burundais d'exonération et un impôt sur le revenu de plus de 36 milliards de francs burundais. Merci Mireille Kanyang. Plus de 90% des devises de la campagne Café 2019-2020 ont été déjà rapatriées. Ce sont les propos du ministre ayant l'agriculture dans ses attributions lors d'un point de presse animé ce vendredi. Le ministre Deogui Delulema ajoute que des structures du secteur café ont été renforcées pour éviter des problèmes de rapatriement des devises pour cette campagne en cours. Suivez le ministre Lulema. Ses propos ont été recueillis par Moïse Misago. Pour la campagne 2019-2020, nous avons connu un taux de rapatriement de 93%. Ni t'était la pandémie de coronavirus, le reste devrait déjà être rapatrié. Nous allons nous informer auprès de la Banque centrale. Mais la bonne nouvelle pour le moment, c'est que nous avons bien structuré et nous faisons la traçabilité et la transparence du secteur café. Cette campagne 2020-2021, nous n'allons pas connaître ces problèmes de rapatriement de devises. Et page commerce à présent, tout homme d'affaires qui veut implanter une station-service de carburant doit demander une autorisation préalable auprès de l'autorité de régulation des secteurs de l'eau et du carburant. C'est une voie d'empêcher la poursuite d'installations anarchiques des stations à l'intérieur des agglomérations. Question qui suscite inquiétude chez des habitants de Moyinga, craignant le pire si des incendies sont déclarés, de Donny Nzeyman. Des gouttelettes d'huile déversées dans la nature, des risques d'incendie sont quelques points suscitant doutes chez des habitants de Muyinga quant aux conséquences des stations-service installées à l'intérieur des agglomérations. C'est une question aussi soulevée dans des débats lors de la réunion des intervenants en matière de commerce du carburant dans les provinces du nord du Burundi au courant de la semaine. Badin de Jumaïne, conseil économique du gouverneur de la province Muyinga, pose la question de savoir si l'autorité de régulation du secteur de l'eau potable et le carburant ARN ne fait pas de contrôle relatif aux stations éparpillées ici et là à l'intérieur des agglomérations. Pour lui, le modèle tanzanien devrait nous inspirer. À Kabanga, petite ville proche de Muyinga, les stations-service à l'intérieur des agglomérations ont été fermées, laissant entendre cet administratif. Au sein de l'ARN, le directeur technique en charge des approvisionnements précise que dans le passé, des hommes d'affaires ont installé des stations-service à leur guise. Dorénavant, ils doivent le savoir, il faut une inspection préalable du lieu par les services compétents pour voir si ça respecte les normes environnementales. Muyinga, Dieudonné Nzeyimana, Radio Isanganiro. La radio de l'avenir. À 13h02, poursuivons ce journal par la page éducation. Les candidats ayant postulé au recrutement des enseignants sont invités à aller consulter les résultats de la présélection à partir de ce dimanche, car ils sont disponibles dans toutes les directions provinciales et communales de l'éducation nationale. Cela ressort d'un communiqué de ce samedi de la Commission nationale de recrutement. Dans son communiqué, il précise que les candidats non satisfaits des résultats de recrutement disposent un délai de 2 jours pour formuler leur recours à partir de lundi 17 août 2020 à travers une lettre de recours qui sera adressée à la présidente de la Commission nationale de recrutement. Le test de recrutement est prévu en date du 21 août dans toutes les provinces, comme on le trouve toujours dans son communiqué. Ce dernier annonce en outre que comme une formation préparatoire des candidats au test de sélection n'a pas été envisagée, le ministre de l'Éducation a conçu le guide d'orientation à l'endroit des candidats présélectionnés. Page société. À présent, certains habitants qui exercent les activités près du pont de la rivière Nyabagere, situé sur la route nationale numéro 1, sont inquiets d'état d'immondices qui se trouve à cet endroit. La même situation s'observe derrière les locaux de l'école fondamentale du bassin d'Obuyenzi. La représentation de cette école affirme être dépassée. C'est que ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro demandent l'intervention des services habilités. Omer Ndouayo nous donne les détails. Il s'agit des habitants de la localité Taba qui déplorent le manque des camions pouvant évacuer les ordures ménagères dans leur quartier. Ceux qui exercent les activités de développement près du pont de la rivière Nyabagere sur la route nationale numéro 1 se lamentent d'un entassement d'immondices pouvant bloquer le passage de la rivière. Cette femme dit que ces immondices proviennent de différents ménages de la localité. Ces immondices proviennent des ménages environnants, car toutes les ordures ménagères sont amenées par des gens payés journalièrement, et ces derniers viennent les jeter ici. De tels tas d'immondices déposés dans des lieux non autorisés s'observent également derrière l'école fondamentale de Buyenzi et derrière l'école primaire du bassin 1. personnes qu'on y rencontre se disent dépassées de la situation. Ça nous dépasse. Ça dépasse nos pensées. Car nous avons tout fait pour demander l'intervention de l'administration, la police, sans réponse. C'est vraiment incompréhensible. Ils jettent ces immondices ici le jour. Nous les interdisons, mais ils ne comprennent pas. Ici derrière, par exemple, ils stockent ces immondices dans des caniveaux. Ces eaux vont dépasser le caniveau et nous envahir. Ceux qui amènent ces immondices ici viennent de Buiza. Ils sont payés par certains ménages. Ils demandent la construction d'une clôture pour limiter les mouvements. Merci Omer Ndouayo, toujours page société. Plus de 100 000 habitants de la province Kayanza ne sont pas enregistrés à l'état civil. C'est après le recensement de l'habitat et de la population effectué au mois de juillet de l'année en cours par l'administration en province de Kayanza. Le gouverneur de cette province, Rémi Tshishahayo, indique que pour pallier cette situation, il a déjà parlé avec les administrateurs communaux sur la suspension temporaire des frais d'amende qui étaient habituellement payés par quiconque qui ne déclare pas à l'état civil une naissance ou un décès d'ici dans un délai ne dépassant pas 15 jours. Il a plutôt invité de sensibiliser ces personnes à le faire, Patrick Senguyomb. Comme le montrent les données fournies par le bureau provincial et de l'état civil à Kayanza après le recensement de l'habitat et de la population effectuée en cette province au mois de juillet l'année en cours, il s'observe des écarts entre le nombre réel des habitants et le nombre qui est enregistré à l'état civil. Les mêmes données montrent que sur 721 882 d'habitants vivant en province Kayanza, environ 109 649 ne sont enregistrés ni par l'état civil et les communes comme Gatara, Gahombo et Outaganzwa prennent les devants dans ces écarts. À titre d'exemple, la commune Gatara totalise un nombre de 36 884 des habitants non enregistrés à l'état civil, Gahombo pour 20 467 habitants et la commune de Butaganzo avec 15 469 habitants qui ne sont pas enregistrés à l'état civil en cette commune. Selon Mathias Maniumva, contrôleur provincial de l'état civil à Kayanza, les causes qui sont à l'origine de ces écarts sont principalement certains ménages, surtout les familles des vulnérables qui ne déclaraient pas les naissances et les décès de leur à l'état civil, ainsi que des personnes qui migrent vers d'autres régions sans attestation de migration. Contacté à ce sujet, le gouverneur de la province Kayanza, Rémi Tshishahayo, indique que cette situation constitue un défi majeur quant à l'adaptation des projets de développement à la population réelle de la localité. Et pour y parier, cette autorité provinciale à Kayanza précise qu'il a déjà exhorté aux administrateurs communaux à suspendre les frais versés habituellement en guise d'amende, lesquels s'élèvent à 30 000 francs. Ces pénalités sont infligées à ceux, pour une quelconque raison, ne déclarent pas une naissance ou un décès à l'état civil dans un délai ne dépassant pas 15 jours, tel qu'il est stipulé à l'article 359 du Code pénal en vigueur. Depuis Kayanza, Patrick Senguimba pour la radio Isanganilo. Page sportive, avant de mettre fin à ce journal, c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des champions européens que deux équipes françaises sont qualifiées en demi-finale de ce championnat. C'est l'explication du journaliste sportif qui le dit après qualification des clubs Paris Saint-Germain et Lyon. Elvis Iladukunda fait savoir que la disqualification des grandes équipes comme FC Barcelone et Real Madrid est dû à l'âge avancé des joueurs de ces équipes. Suivez-le au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoman. C'est une demi-finale inédite dans l'histoire de la Ligue des Champions. Premièrement, nous allons avoir quatre équipes où aucun club anglais, aucun club espagnol, aucun club italien, ce qui est la première fois depuis 1991. Aujourd'hui, on va voir Leipzig qui arrive dans la demi-finale pour la première fois dans leur jeune histoire. C'est une équipe qui a surpris tout le monde en arrivant en demi-finale. Elle va jouer contre l'équipe française Paris Saint-Germain. C'est un exploit pour ces deux équipes. Aussi, de l'autre côté, Bayern München, c'est une équipe qui avait vraiment l'envie d'arriver encore une fois en demi-finale, qui va jouer contre l'équipe française Lyon. On assistera des clubs français qui vont jouer contre des clubs allemands. C'est un moment inoubliable pour les deux pays, la France aussi, qui fait arriver des équipes pour la première fois de l'histoire en demi-finale de la Ligue des Champions. Quelle serait la raison de la disqualification des grandes équipes comme FC Barcelone Barcelone, Man City. La jeunesse a triomphé de l'expérience. Ces deux équipes sont des équipes qui ont vraiment de bons joueurs, mais des joueurs vieillissants. Il faut rajeunir les squads pour penser à arriver encore une fois à un niveau très satisfaisant dans les matchs à venir. Et qu'est-ce qu'on peut entendre pour les matchs comptables pour la demi-finale de cette compétition de la Ligue des Champions? Ce sont des rencontres ouvertes. Leipzig contre Paris Saint-Germain, des entraîneurs allemands, que ce soit Julian Nagelsmann et de l'autre côté Thomas Tuchel, ce sont des entraîneurs qui ont montré un beau jeu, un beau football. Il est très difficile de dire que Paris Saint-Germain va gagner contre Leipzig. Je dirais que là, Bayern Munich n'est pas favori pour arriver en finale. Et c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Eric Kadogo pour sa parfaite collaboration technique. Au micro, vous êtes avec Ornella Mouchou.